Chapitre 6e. Cet après-midi-là, Mrs. Newell reçut M. Garnett sur le seuil de son salon avec un « Eh bien ?» plein d'anxiété. Derrière elle, le baron Schenkeldorf était assis, les jambes croisées, la tête renversée en arrière, dans une attitude qu'il ne jugea pas nécessaire de changer à l'approche du jeune homme. Garnett hésita, mais ce ne fut pas le salut sommaire du baron qui le blessa. « Vous l'avez trouvé ?» s'exclama Mrs. Newell. « Oui, mais... » Elle suivit son coup d'œil et y répondit par un léger haussement d'épaule. « Je ne puis vous mener dans ma chambre. J'ai là une couturière qui ne veut pas s'en aller parce qu'elle attend d'être payée. »« Schenkeldorf !» s'écria-t-elle. « Votre présence n'est pas nécessaire. Allez regarder par la fenêtre. » Le baron se leva et, allumant une cigarette, il se retira en souriant dans l'embrasure. Mrs. Newell se jeta sur un siège et fit signe à Garnett de s'asseoir près d'elle. « Eh bien, vous l'avez trouvé ? Vous avez causé avec lui ?»« Oui. » « J'ai causé avec lui pendant une heure. » Elle eut un geste d'impatience. « C'est trop long. Refuse-t-il ? » ?»« Il ne consent pas. » »« Vous voulez dire alors ? » ?»« Il demande du temps pour réfléchir. »« Du temps ? Il n'y en a pas. Le lui avez-vous dit ?»« Je le lui ai dit. » »« Mais il faut que vous compreniez qu'il est moins pressé que vous. »« Il exige 24 heures. » Mrs. Newell eut un gémissement prolongé. « Oh, ça c'est trop. Lorsqu'il réfléchit, il refuse toujours. »« Il l'aurait refusé tout de suite si je ne lui avais pas accordé ce délai. » Elle se leva nerveusement de son siège et pressa les mains sur son front. « C'est trop dur, après tout ce que j'ai fait. Le trousseau est commandé. Quelle honte ! Vous avez dû vous y prendre mal avec lui. J'irai le voir moi-même. » Le baron, à ces mots, cessa brusquement de contempler la place Vendôme. « Ma chère amie, pour l'amour de Dieu, ne gâtez donc pas tout » s'écria-t-il. Mrs. Newell devint très rouge. « Que signifie ce brillant conseil ? Je me mettais simplement à la place d'un homme auquel vous avez cessé de sourire. » Il reprit son chapeau et sa canne, fit un petit signe d'intelligence à Garnett et marcha vers la porte avec sa démarche rigide et sautillante. Mais sur le seuil, Mrs. Newell l'arrêta. « Ne vous en allez pas, j'ai à vous parler, » dit-elle en le suivant dans l'antichambre, et Garnett se rappela la couturière qui ne voulait pas démarrer de sa chambre à coucher. Un instant après, Mrs. Newell revint avec un petit paquet plat qu'elle chercha vainement à dissimuler dans une poche inaccessible. « Il rend tout si odieux !» s'écria-t-elle. Mais ce fut à Garnett à décider si elle faisait allusion à son mari ou au baron. Elle s'assit, silencieuse, tortillant nerveusement son étui à cigarette entre les doigts, tandis que son visiteur racontait les détails de sa conversation avec Mr. Newell. Il ne lui dit pas les arguments qu'il avait employés pour ébranler la résolution de son mari, puisque dans son éloquente esquisse de la situation d'Hermione, il était entré des insinuations peu flatteuses pour sa mère. Mais il donna à entendre à Mrs. Newell que son interlocuteur avait été enfin touché et avait, pour cette raison, consenti à ajourner son refus. « Ah, ce n'est pas pour cela, c'est pour prolonger notre misère !» s'écria Mrs. Newell. Et après un instant, elle ajouta tristement « Il y a des années qu'il guette cette occasion. » Il sembla inutile à Garnett de prolonger sa visite et il prit congé avec la promesse de venir apporter le plus vite possible le résultat de sa conversation finale avec Mr. Newell. Mais comme il traversait l'antichambre, une porte s'ouvrit et Hermione se dressa devant lui. Elle était rouge et paraissait agitée. Garnett comprit immédiatement qu'elle l'attendait. « Monsieur Garnett ? » dit-elle à voix basse. Il s'arrêta, la regardant, tout surpris. Il ne l'avait jamais cru capable de l'émotion que révélaient sa voix et ses yeux. « Je désire vous parler. » continua-t-elle. « Nous sommes ici en toute sûreté. Maman est avec la couturière, » expliqua-t-elle en fermant la porte derrière elle, tandis que Garnett posait son chapeau et sa canne. « Je suis à votre disposition, » dit-il. « Vous avez parlé à mon père. Maman m'a dit que vous deviez le voir aujourd'hui, » continua la jeune fille, se tenant tout près de lui de manière à n'avoir pas à élever la voix. « Oui, je l'ai vu, » répondit Garnett avec une surprise croissante. Hermione ne lui avait jamais parlé auparavant de son père, et ça avait été par un léger accroc à la vérité qu'il avait joint son nom à celui de sa mère dans sa requête à Mr. Newell. Il avait supposé qu'elle était ou inconsciente de la transaction, ou bien trop occupée de son propre bonheur pour y penser un instant. Et il lui avait pardonné la dernière alternative en considération du caractère anormal de ses relations filiales. Mais il voyait maintenant qu'il lui fallait changer d'opinion. « Vous êtes allé lui demander de venir à mon mariage ?»« Je le sais, » continua Hermione. « Bien entendu, c'est l'habitude. » On trouvera étrange qu'il ne vienne pas. » Elle s'arrêta, puis demanda « Consent-il ? » ?»« Non, il n'a pas encore consenti. » « Ah, c'est ce que je croyais avoir compris en voyant maman tout à l'heure. » « Mais il n'a pas tout à fait refusé, et il a promis de réfléchir. » « Mais cela lui déplaisait. L'idée seule lui était odieuse. » Garnett hésita. L'idée sembla lui suggérer des souvenirs bien pénibles. « Ah oui, bien pénibles, en effet, » s'écria-t-elle. Étonné déjà de la passion qu'elle avait mise dans son accent, il le fut plus encore du ton sur lequel elle continua. « Monsieur Garnett, » dit-elle en posant sa main sur son bras, « il ne faut pas le lui demander. Trop souvent, il a été forcé de faire des choses qui lui étaient odieuses. » Garnett jeta un coup d'œil ému à la jeune fille. Sous son apparente innocence, elle en savait donc bien long. « Chère Miss Hermione, » commença-t-il, « je sais ce que vous allez dire, » interrompit-elle. « Il est nécessaire qu'il assiste au mariage, ou bien les Dutreillas se romperont. Ils n'ont du reste guérant de moi comme belle fille, » ajouta-t-elle avec une étrange candeur. « Ils ne seront peut-être pas très fâchés de ce prétexte, car Louis, bien entendu, devra leur obéir. »« C'est ce que j'ai expliqué à votre père, » dit Garnett. « Oui, oui, je savais que vous le lui diriez. Mais peu importe, il ne faut pas le faire venir contre son gré. » Personne ne peut le faire venir contre son gré, mais si nous parvenons à lui faire comprendre à quel point sa présence est nécessaire, je ne veux pas que l'on insiste. Cela pourrait lui être trop pénible, lui rappeler trop de choses. Je n'étais déjà plus une enfant quand il nous a quittés. J'ai été assez âgé pour voir combien même maintenant il doit souffrir de certains souvenirs. Il ne demandait que la paix, et je désire qu'on le laisse en paix. Garnett s'arrêta, profondément gêné. « Ma chère enfant, il est inutile de vous rappeler que votre propre avenir... » Elle eut un geste qui rappela sa mère. « Tant pis pour mon avenir. Il ne faut pas que mon père soit forcé de nous voir, » dit-elle impérieusement. Et comme Garnett se taisait, elle continua. « J'ai toujours espéré qu'il ne me haïssait pas. Mais il me haïrait maintenant s'il était forcé de me voir. »« Pas s'il vous voyait en ce moment ?» s'écria Garnett ému. Elle leva la tête, les yeux baignés de larmes. « Eh bien, allez le trouver et rapportez-lui ce que je vous ai dit. » Garnett demeurait immobile, profondément frappé par ces dernières paroles. « C'est peut-être ce qui vaut le mieux, » se dit-il après un instant de réflexion. Mais il n'exprima pas sa pensée. Il étendit seulement la main et serra longuement celle d'Hermione. « Je ferai tout ce que vous voudrez, » répondit-il. « Vous voyez que c'est sérieux, » insista-t-elle. « J'en suis convaincu. » Alors je désire que vous lui répétiez ce que j'ai dit. Je veux qu'on le laisse tranquille. Je veux qu'il n'entende plus jamais parler de nous. » Le lendemain, à l'heure fixée, Garnett se rendit au jardin du Luxembourg, que Mr. Neville avait choisi comme rendez-vous de préférence à sa propre demeure. Il était clair qu'il ne désirait pas admettre le jeune homme plus loin dans son intimité que l'occasion ne l'exigeait. Et ses vêtements râpés pouvaient faire supposer que sa répugnance avait peut-être pour cause l'amour-propre. Garnett le trouva en train de nourrir les moineaux, mais il s'arrêta en voyant le jeune homme. « Vous allez m'en vouloir de vous avoir fait venir de si loin, » dit-il. « Si cela signifie que vous comptez me congédier avec un refus, je viens vous éviter cette peine. » Mr. Newell le regarda avec un étonnement sous lequel Garnett croyait deviner une nuance de déception. « Alors après tout, on n'a pas besoin de moi, » dit-il ironiquement. Pour toute réponse, Garnett rapporta sans commentaire sa conversation avec Hermione et le message dont la jeune fille l'avait chargé. Il se rappela exactement ses propres paroles et les répéta sans modification, sans se préoccuper de ce qu'elles pouvaient impliquer ou révéler. M. Newell écouta, impassible, jetant de temps à autre quelques miettes à ses pensionnaires. Lorsque Garnett eut fini, il demanda sèchement « Sa mère est-elle au courant ?»« Assurément non !» s'écria Garnett froissé. « Il ne faut pas m'en vouloir, mais Mrs. Newell est une femme si habile. » Mr. Newell distribua ses dernières miettes et se tourna vers Garnett. « Vous pensez, » continua-t-il, « qu'Hermione a raison de croire que ces gens se serviront de mon refus comme prétexte pour rompre le mariage ?»« Parfaitement, elle me l'a dit elle-même. » « Ne considère-t-elle pas le jeune homme comme une poule mouillée ?»« Non, il a déjà lutté pour elle, et vous savez qu'en France, on a une façon particulière d'envisager ces questions. » Il n'a que 23 ans, et se marier contre le gré de ses parents est en soi un acte héroïque. Oui, j'ai entendu dire que quand il s'agit de leur mariage, les jeunes gens, en France, se conduisent en petits garçons. » Mr. Newell se leva et reprit le cigare à demi-fumé qu'il avait posé sur le banc à côté de lui. « Comment se met-on pour un mariage en France? On porte un habit, n'est-ce pas » demanda-t-il brusquement. La question causa une telle surprise à Garnett que pour l'instant il ne put que bégayer. « Alors, vous consentez ?»« Je puis aller le lui dire ?»« Dites-le à ma fille, oui. » Mr. Newell eut un vague sourire et ajouta « D'une manière ou d'une autre, ma femme en arrive toujours à ses fins. » Le consentement de Mr. Newell ne fut suivi d'aucune autre concession. Dans la première joie de son succès, Garnett avait rêvé un rapprochement entre le père et la fille et s'était vu esquissant un geste de bénédiction sur un tableau de famille dans lequel Mrs. Newell ne figurait qu'indistinctement. Mais les conditions de Mr. Newell étaient inflexibles. Tout en consentant à assister au mariage pour plaire à sa fille, il stipula qu'en attendant, il n'y aurait aucune rencontre avec sa famille, ni aucun autre message de part et d'autre. Il convint d'être prêt lorsque Garnett viendrait le chercher au jour et à l'heure fixée. Mais il demanda qu'on le laisse tranquille jusque-là. Il s'en tint strictement à cette décision, et lorsque Garnett la communiqua à Hermione, elle accepta avec un profond regard d'intelligence. Quant à Mrs. Newell, elle s'absorba dans les préparatifs du mariage, sans penser à son mari. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Elle avait désarmé ses ennemis et, dans la première excitation du succès, elle n'eut pas le temps de se rappeler par quels moyens sa victoire avait été gagnée. Elle eut même peu de reconnaissance pour les services de Garnett, qui lui cherchait sa récompense dans le regard ému d'Hermione. Pour Mrs. Newell, les personnages du moment étaient les Hulse Hubbard et le baron Schenkeldorf. Elle avait de longues consultations avec eux. Mrs. Hubbard en sortait radieuse d'avoir été initiée aux préparatifs d'un mariage aristocratique et éblouie de la familiarité du baron avec l'almanach du Gotha. Dans un tel milieu, Mrs. Hubbard avait le sentiment qu'elle était vraiment dans la note. Quant à Hermione, elle avait retrouvé son air heureux. Mais avec une nuance de mélancolie, dont Garnett se rendrait peut-être seul compte. Elle avait repris son attitude d'obéissance passive et semblait résignée à n'être que le brillant mannequin sur lequel Mrs. Newell poserait les guirlandes de la victoire. On poussait les préparatifs du mariage avec activité et zèle. Mrs. Newell savait quel danger il peut y avoir à donner aux gens le temps de réfléchir, et ses craintes du côté de son mari étant calmées, elle commençait à redouter une nouvelle tentative d'évasion de la part de la famille du fiancé. « Plus tôt ce sera fait, mieux je dormirai », déclara-t-elle à Garnett. Et tous les artifices de la toilette ne pouvaient plus cacher à quel point elle avait besoin de repos. Il y avait en effet des moments où le jeune journaliste la plaignait plus que son mari ou sa fille, tant l'abîme dans lequel elle glisserait, si elle perdait pied maintenant, paraissait noir et insondable. Mais la propre expérience de Garnett, aussi bien que les affirmations de Mr. Newell, aurait pu lui dire qu'elle arrivait toujours à ses fins. La manière dont elle retrouva son éclat le dernier jour, quand tout péril fut conjuré, on vit à quel point elle avait eu peur de sombrer. Garnett frissonna en songeant à l'alternative qu'elle avait dû envisager. Le jour du mariage vint enfin. L'élégante limousine commandée par les soins de Mrs. Newell se trouva ponctuellement devant la porte de Garnett et le jeune homme se fit conduire rue des Canettes. C'était une petite rue, bordée de vieilles maisons branlantes. Sur le trottoir étroit, un aveugle se traînait conduit par son caniche. Un peu plus loin, une femme échevelée était en train de moudre du café sur le seuil d'une buvette borgne. La présence de l'automobile devant une des portes attira le voisinage aux fenêtres et Garnett s'engagea dans l'escalier sombre et mal tenu pour monter au quatrième étage qu'habitait Mr. Newell. Mais à moitié chemin, il rencontra son vieil ami et sans dire un mot, tous deux descendirent ensemble. Le père d'Hermione avait son regard coutumier d'indifférence sous laquelle on devinait la conviction profonde de la folie humaine. Mais on remarquait dans son extérieur quelque chose de singulièrement ratatiné, comme s'il était devenu plus petit ou ses vêtements plus grands. Et Garnett se dit tout d'un coup qu'il avait dû louer un habit de noces. Assis dans l'automobile à côté du jeune homme, il demeura silencieux tandis qu'il gagnait rapidement le boulevard Saint-Germain. Une fois seulement, il demanda en examinant les accessoires élégants de la voiture. Est-ce l'automobile de Mrs. Newell ? Oui, je le crois, répondit Garnett, qui sentait bien la difficulté de distinguer entre ce qui appartenait à Mrs. Newell et ce qu'elle empruntait à ses amis. Mrs. Newell ne fit pas d'autres remarques, mais demanda un peu plus tard à son compagnon de lui répéter exactement les devoirs qu'il aurait à remplir à la cérémonie. Et lorsqu'il fut édifié, il retomba dans le silence, regardant d'un œil stoïque et observateur la perspective fuyante des rues qu'il traversait, jusqu'au moment où la voiture s'arrêta devant Saint-Philippe-du-Roule. Avec le même sang-froid, il suivit son guide à travers la cohue des spectateurs et monta les marches, recouvertes d'un tapis rouge, au sommet desquelles le Suisse tenta de barrer le chemin au petit personnage chétif et voûté qui accompagnait Garnett et qui ne semblait guère faire partie d'un mariage aussi brillant. Le porche de l'église était envahi par ceux qui devaient figurer dans le cortège. Mr. Newell ne parut nullement gêné par ce voisinage élégant. Il resta à côté de Garnett jusqu'à l'arrivée du coupé qui amenait la mariée. Puis, lorsque Hermione parut, accompagnée de sa mère, Mr. Newell s'avança à sa rencontre. La jeune fille, enveloppée de son voile de tulle et agitée sans doute à la pensée de l'entrevue, s'arrêta, avec un geste d'hésitation, devant le petit vieillard si étrangement attifé. Et cette hésitation fut atroce pour Garnett, qui voyait une inconsciente satire de l'infaillibilité de l'instinct filial. Il voulait à tout prix faire un signe, mettre fin d'une façon quelconque à cette incertitude. Mais avant qu'il ait pu bouger, Mrs. Newell poussa sa fille brusquement et Hermione, toute rougissante, se jeta dans les bras de son père. Mr. Newell se dégagea sans émotion. Cette démonstration n'eut d'autre effet visible que celui de déplacer sa cravate. Il se tint à côté de sa fille jusqu'à ce que les portes de l'église fussent ouvertes. Alors, sur un signe du Suisse, il lui offrit le bras et le couple mal assorti, suivi de l'élégant cortège, se mit en marche vers l'autel. Garnett s'était déjà glissé dans l'église et s'était assuré d'une place d'où il pourrait voir toute l'assistance. L'église était comble. Mrs. Newell avait atteint son but et le mariage d'Hermione était une brillante réunion mondaine. L'œil de Garnett errait curieusement d'un groupe à l'autre. D'un côté se tenaient les nombreux représentants de la famille du marié, tous coulés dans le même moule de distinction un peu vieillotte, avec cette empreinte du point de vue collectif qu'a toute vieille société vis-à-vis de l'individualisme du nouveau monde. De l'autre, l'assemblage hétérogène des amis de Mrs. Newell, qui présentaient toutes les variétés d'opinions dans leur mise comme dans leur tenue. Des deux groupes, ce dernier était décidément le plus intéressant pour Garnett, qui s'aperçut qu'il comprenait non seulement de récentes acquisitions comme les Wills Hubbard et le Baron, mais aussi diverses figures plus importantes qui, dernièrement, avaient semblé disparaître de l'horizon de Mrs. Newell. Le mariage d'Hermione les avait ramenés, et une fois de plus, avait refait à sa mère une personnalité sociale, avait en un mot réalisé le but pour lequel il avait été projeté et exécuté. Et comme il regardait autour de lui, Garnett constata qu'à côté de la personnalité dominante de Mrs. Newell, tout ce qui l'entourait paraissait dépendre d'elle et devenait de simples marionnettes dont elle tenait les fils. Ils étaient tous là, les uns et les autres, pour la mener à son but et servir ses vues. Schenkeldorf et le Hubbard, pour payer la mise en scène. Le marié et la mariée, pour sceller et symboliser sa réhabilitation sociale. Garnett lui-même, comme l'humble instrument qui ajuste les différentes parties de la machine compliquée. Finalement, son mari, comme le dernier enjeu, la dernière garantie sur laquelle elle avait pu spéculer pour reconstruire sa fortune croulante. À cette pensée, Garnett se sentit un profond dégoût pour ce que la scène représentait et pour la part qu'il y avait prise. Il avait été, comme les autres, l'instrument et la dupe de Mrs. Newell. Il avait cru servir Hermione et c'est pour sa mère qu'il avait travaillé. Comment envisager un point de vue romanesque, un mariage fondé sur de si basses connivences, et comment se figurer qu'en y coopérant, il avait joué un rôle désintéressé. Tandis que ses pensées lui traversaient l'esprit, la cérémonie avait commencé et les principaux personnages étaient alignés devant lui sur les fauteuils rouges devant l'autel. À travers la lueur douce des cierges et le nuage parfumé de l'encens, les yeux de Garnett se fixèrent sur le groupe central et peu à peu, les autres disparurent de sa vue et de son esprit. Après tout, ni les plans de Mrs. Newell, ni la part qu'il y avait prise, ne pouvait jamais enlever au mariage d'Hermione son caractère sacré. C'était une preuve de plus du renouvellement perpétuel de la vie, de la façon dont la nature sait lier les fleurs et les parfums de la corruption. Et comme les yeux du jeune homme allaient du visage heureux de la mariée au petit vieillard stoïquement affaissé dans son fauteuil, il lui sembla qu'il avait peut-être mieux travaillé qu'il ne le croyait. En les plaçant côte à côte, ne fût-ce que quelques instants, Ainsi s'achève Dernier enjeu par Edith Wharton.